Qui, Elisabetta, t'as dit ça? Non, mais elle te l'a dit à toi ou tu lui as dit à elle? Ah, elle à toi. Contre-culture à l'italienne. Récit critique. Lettre automatique. Et il est vrai que vous ne seriez pas un entrepreneur de récit si vous n'avez pas l'air d'inventer quelques nouvelles histoires, quelques produits différents. Cette propriété n'est pas exigible, bien au contraire. Des supposés narrateurs du récit totalitaire. Jean-François Lyotard. Paris, une nuit de septembre 2009. Chère Marie, j'utilise sciemment le genre épistolaire pour donner une cohérence au récit de ma jeunesse, dont vous avez exprimé tout à l'heure les souhaits. Vous avez manifesté que j'ai eu une vie underground et dadaïste à propos de deux ou trois anecdotes que j'ai déposées sur votre blog et que je serai, au bout de cette lettre, obligé de raconter une autre fois. Vous savez que j'ai failli prendre dans un restaurant rue du Coq-Héron, Gérard Besson, un deuxième plat à 40 euros, ou bien c'était 80. Plutôt, pour tout dire, c'était un plat de luxe. Et je m'excuse du manque de précision auprès du chef, qui est charmant avec nous chaque fois qu'on y va. Un trou de mémoire. Tout ce que je sais, c'est que les prix dépassaient les concevables pour moi par rapport à la Fontaine Gaillon et à la Closerie de Lilas, où j'ai été invité aussi et qui sont également chics. Bien sûr que par rapport à l'excellent couscous et la délicieuse pastilla du nouveau marocain Rue d'Avron, où là, c'est moi qui paye, c'est une multiplication inconcevable. Quoique, c'est peut-être un prix comme à l'Ambroisie, place des Vosges, où la seule fois que je suis allé, j'étais un peu endormi, j'ai demandé du café, un apéritif. Parce qu'on ne voulait pas me donner du Coca-Cola et ne pas regarder les prix. En tout cas, notre ami a pris ses fameux plats. J'ai pris du sanglier. Ce soir-là a été l'ouverture du gibier à table. La chasse a commencé récemment. Les serveurs semblait vouloir me faire comprendre que j'ai raté mon choix en éludant l'écaille écossaise qui porte un nom fantastique, les grousses. Vous trouvez parfois des plombs au marché. Notre ami nous avait invités là pour fêter nos deux anniversaires, celui de Berthe et le mien, qui sont proches. Nous sommes vierges, tous les deux, et avons des ascendants de noblesse sur lesquels je reviendrai. L'entrée était, à mon goût, le chef-d'œuvre, comportant un gelée ou mousse de colombes au teint rose. Bref, nous sommes gâtés. Il m'a offert un cafetière Nespresso Latissima Titane, vraiment incroyable. Je pense que c'est la plus chère qu'il y avait au rayon cafetière du VHB. J'en avez-vous une pareille chez un couple de professeurs d'université américains dans leur résidence secondaire quand j'étais à Miami? Elle me sera livrée samedi. Et je me souviens du nom de la marque parce que j'ai gardé la garantie et que je viens d'y jeter un regard. Je sais que c'est le type de récit que notre ami Nicolai inventerait de toutes pièces, mais j'ai le malheur que l'on ait du mal à croire à mon existence. Tout comme moi et les autres enfants à la catéchèse, nous avions du mal à croire que les Juifs, tels qu'on nous les décrivait alors, existaient pour de vrai. Mais les plus gros mensonges deviennent ceux sur lesquels nous insistons le plus. Tous, avec une voix d'ange chantante veloutée, ma fiancée d'autrefois, 1997, disait qu'on mange de la merde, mais qu'on est forcé de rôter du caviar si l'on veut rester artiste. Elle était invitée par l'université et m'a vendu un ex-voto colombien que j'ai tardé à payer. Ayant attendu qu'elle était sorcière, je me suis précipité finalement lui payer l'œuvre. J'étais chaud et l'on a joué tout en moi à écrire un scénario théâtral avant de nous décider à faire l'amour. Je l'ai retrouvée les soirs décisifs assise dans son patio sous les jasmins et je lui ai fait lire un contrat masochiste que j'avais copié d'un livre de Deleuze. J'avais eu une autre fiancée avant celle-là. C'était une spécialiste de la période paléochrétienne qui buvait beaucoup. La bière lui avait développé incroyablement les sens. Son frère était lui-même théologien et traducteur, je crois, de Hilaire de Poitiers. Son autre frère avait déjà une galerie. Elle me brûla, me revoit un papier couché très spécialisé et me cassa le nez d'un coup de poing. Et avant de faire l'amour, elle devait vomir tous les vents des préambules à côté du lit. Je lui ai dit qu'elle était anorgasmique. Et non seulement elle a essayé le suicide, mais elle s'est amusée à casser une douzaine d'œufs contre le mur de chez moi. À l'intérieur, puisqu'elle avait encore la clé. Et elle m'a poursuivi plusieurs fois à la course dans la rue. Je me suis retrouvé à sortir avec une Miss Granada roqueuse qui m'a amené dans son discothèque une fois et m'assurait qu'elle avait eu une histoire avec Prince. Elle lui écrivait souvent pour qu'il revienne. On se promenait la main dans la main dans les bois de l'Alhambra. Un mois d'août torride, sous des ombres homéopathiques, puis des rendez-vous de plus en plus chaotiques où l'on se disait au revoir comme les Esquimaux. C'est ce qu'elle disait pour que je l'embrasse. Moi qui étais accablé après l'avoir entendu raconter tout ça. J'ai eu ce qu'en Espagne on appelle une romance avec une céramiste qui s'est coiffée comme les japonaises et portait des jolies mini-jupes et qui m'a mené en voiture pour que je donne en 2003 une conférence dans une salle au sommet de la Sierra sur les nuances entre névrose d'artiste et psychose d'artiste face aux pathologies de l'homme normal. Elle me racontait ses rêves au mobile et moi j'étais à la gare. Du coup, une femme de ménage qui était là pour nettoyer les wagons m'a demandé d'interpréter les siens. J'ai écrit tout un volume de poèmes d'amour mauvais qu'elle demandait de garder secret. Celle-ci m'a fait un joli compliment. Elle m'a dit que j'étais un névrosé grave, même un psychotique, mais que je lui semblais absolument décomplexé dans l'acte sexuel. Elle avait connu plein d'écrivains. Nous voulions faire une installation sur l'homme espagnol avec des réfrigérateurs et des croix. En 1995-1998, j'ai pris part à un atelier d'écriture qui fonctionnait comme une assemblée, sans modérateur ni professeur. Des litres de bière sur la table, des cigarettes qui circulaient. Nous mettions chacun un peu de notre savoir. Les lourds lâchaient prise et reculaient. Nous ne finissions jamais avant minuit. Et l'après-minuit s'est passé chez quelqu'un ou à la taverne. Depuis lors, je me méfie des gens qui se proposent d'animer un atelier et d'être payé pour ça. Il y a peu de cela dans mes romans en espagnol, quoiqu'à l'époque je ne partageais pas avec toute cette troupe le fait d'écrire un des romans. Notre truc était la poésie et apprendre à la réciter. C'était très marrant pour moi qui était en principe timide, mais qui devenait presque un acteur. Dans un court-métrage, je faisais Baudelaire lisant son vent de l'assassin. Dans une vidéo-performance, j'étais directeur de la troupe. Une autre troupe, année 1999-2000, et j'ai joué sur mon propre texte poétique et théâtral, L'Empereur Néron. C'est vrai qu'une bonne partie de cela, je ne l'ai pas auto-fictionné. Les mémoires devront se substituer au trou dans l'autofictif quand je serai vieux. L'histoire de Néron avait son côté psychothérapie de groupe. On s'est mis à poil et les uns sur les autres. Et c'était mon atelier dont le sol est en pierre en hiver et sans chauffage. Pensez-vous que des choses si bizarres semblent vraies dans un texte?